On va parler avec le maire de Dolbeau-Missassini. Excellente initiative. On a vu ça dans le nouvel hebdo passé, la semaine passée. Excellente initiative, surtout en temps de COVID. Il n'y a pas beaucoup d'activités à faire. Ben, la ville de Dolbeau-Missassini a décidé de faire une piste qui est pour marcher, tout simplement, fait de la raquette et ainsi de suite sur le lac Saint-Jean. Une piste qui va avoir 10 km dans le coin de Vauvert. On en parle avec le maire de Dolbeau-Missassini, Pascal Coutier. Salut, Pascal! Bonjour. Pascal, c'est une belle initiative que vous avez faite là, 10,5 km de... C'est pour marcher quoi, ou c'est pour faire toutes sortes d'activités? Oui, effectivement, on parle au départ, c'était pour le patinage, mais les gens peuvent effectivement marcher parce que c'est quand même une largeur, là. C'est quand même une bonne largeur, là. On parle d'une dizaine de pieds avec évidemment une épaisseur de glace là, qui a été vérifiée. Quand même en bordure, donc pas beaucoup d'eau aux endroits où ce que ça passe. C'est sûr qu'il y a, il y a quand même des sections à améliorer, c'est clair. On a commencé ça jeudi, donc là il y a certaines sections qui vont être travaillées là, pour permettre d'améliorer la qualité du sentier, mais je pense que c'est quand même très positif. Là. C'est quoi qui va être travaillé en fait quand tu dis améliorer le sentier? Ben, en fait, là, c'est d'améliorer la qualité du OK. sentier pour les gens qui veulent patiner, là. Ouais. C'est sûr que quand ils sont rendus là en fin de semaine, ils n'étaient pas capables nécessairement de faire 10 km là, OK. en patin, là. Fait que, tu sais, il y a des sections à améliorer, mais quand même, les gens à partir du centre aussi étaient capables de faire quand même là, un bon bout là, de chaque côté. Là. C'est-tu une idée que vous travaillez, depuis quelques années, vous pensiez, c'est le COVID qui vous a fait penser ça? Ben, je pense que c'est le COVID. C'est le fait aussi là, que cette année, les conditions sont propices. Là, on a vu qu'il y a plusieurs personnes là, qui se sont fait entre autres, des patinoires sur le lac. Il y avait déjà dans le secteur là, plus de Racine-sur-Mer, de la Pointe-Langevin, qu'il y avait un citoyen qui avait fait un sentier là, pour patiner. Donc, ça c'est ça qui a fait là, la ville. Ben, on a dit, ben pourquoi pas en faire un, nous, la ville, puis permettre aux gens cet hiver là, de pouvoir en profiter. Puis là, j'imagine que ça a dû être assez hot, pareil. Il y a dû y avoir pas mal de monde en fin de semaine. Ben, quoi qu'il y ait eu une tempête. C'est sûr qu'une tempête, samedi, c'est toujours tannant. C'est pas ça qui va attirer le monde, mais les belles journées, j'imagine que vous attendez à quand même pas mal d'affaires. Parce que, et il y en a un sur le lac Kénégamé aussi. Ça semble-t-il qu'il y a beaucoup de monde. Donc, vous attendez quand même un certain nombre d'utilisateurs. Les commentaires doivent être positifs. Oui, les commentaires sont très positifs. On en a entendu parler beaucoup. Les journalistes se sont beaucoup intéressés à cette nouvelle-là. Puis samedi, le centre touristique, là, au niveau du stationnement, c'était quand même plein. Fait qu'on voit que ça crée un certain engouement. Puis les résidents qui sont là-bas aussi. Là. Donc oui, effectivement, il y a quand même pas mal de monde. OK. Dis-moi maintenant, si on va, plus que jeter, on va parler d'autres choses. On va parler de la situation dans des infrastructures sportives. C'est pas mal tout fermé. J'imagine que ça complique pas. Il n'y a rien à faire dans le fond, là. Donc la gestion doit être différente pas mal. Ben la gestion, oui, puis surtout que ça change quand même assez souvent. On avait pu rouvrir un peu avant les fêtes, là, où ce que les arénas, on avait pu rouvrir à un moment donné. Le hockey, c'était impossible, à un moment donné, c'était possible. Donc là, on est revenu que seulement du patinage permis, les patinoires extérieures aussi. À un moment donné, on avait des buts de hockey, on les a renlevés suite aux décisions qui ont été prises. Donc, présentement, les arénas sont fermés complètement. Donc, on va voir là début février, ça va être quoi la suite des choses au niveau des annonces, puis voir aussi bon mais les organisations, si on parle du hockey mineur, si on parle des ligues des vétérans entre autres, des choses comme ça, on parle du patinage de vitesse, ils n'ont pas fait beaucoup d'activités jusqu'à maintenant. Fait que c'est sûr que là, Est-ce que est-ce qu'ils vous vont allez vouloir reprendre prolonger ou vous après tout? allez. Parce que c'est des coûts, j'imagine. Je me rappelle plus du montant. Je pense que c'est 10 000 piastres par. Ouais, c'est C'est. des. Non, c'est plus que ça. On calculait là, que c'était au moins une vingtaine de mille par aréna à peu près. Là. OK. Si on calcule là, pas seulement le courant, mais tout le reste. Mais là, on va voir là, comment que ça va s'orienter. Puis C'est une question comme je dis, minimum de même. on Le montant est combien? 20 000 piastres pareil? Ou qu'elle soit utilisée ou pas, c'est. Y a-t-il Ben, une grosse quand on différence? ferme quand on ferme les compresseurs, comme on a fait entre Ouais. autres les deux arénas, là, Ça veut dire que là, on a complètement fermé. Ben là, on sauve au niveau du courant, on sauve au niveau de la main-d'œuvre, on sauve, il y a bien des affaires qu'on sauve, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est à peu près une vingtaine de mille par an, là. Que vous sauvez, que actuellement que ça coûte au contribuable pour opérer même s'il n'y a pas de même s'il n'y a rien là. Ben là, présentement, il n'y a rien. Puis là, comme j'ai dit, là, on les a arrêtés complètement, là. Ouais, OK. Donc, il n'y a plus de place, il n'y a plus rien, là, présentement. Donc, mais là, vous avez, il va falloir que vous sachiez où vous en allez quand même. Parce que mais des fois, Ben, c'est même dur à savoir pour le gouvernement, c'est même pas lui-même ce qui s'en va. Fait que, tu sais, c'est encore bien moins pour les gens de la ville. c'est ça. Nous autres, on suit les annonces. Ouais, OK. Mais j'imagine que si en février, que vous avez, que c'est pas mal le statu quo, j'imagine que vous allez tout simplement fermer. Puis on passe sur notre appel pour attendre l'année prochaine. Ben, c'est pour ça que si au mois de février, on voit que bon, ça se prolonge ou quoi que ce soit, ben comme je vous ai dit, c'est déjà fermé présentement. Ouais. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on rouvrirait tout simplement pas. Ça OK. va dépendre des annonces. Le complexe Aquagym, lui, il est prêt à faire feu, sauf qu'il s'est rien passé depuis le début, Ben, écoutez, nous autres, là, il nous restait quelques travaux. Il y avait des là. correctifs à faire. Là, je vous dirais que oui, il est pas mal prêt. Il reste de l'affichage, bon. Mais c'est sûr, encore là, c'est toujours la question de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Puis, tu sais, avec les normes qu'on a présentement, c'est pratiquement impossible. Puis même en zone rouge, c'était extrêmement compliqué. Fait que là, c'est sûr que là, il faut y penser. Puis on veut ouvrir aussi pour qu'il y ait une majorité des gens qui peuvent l'utiliser. Si c'est trop, si on a vraiment pas beaucoup de personnes qui peuvent l'utiliser à cause des normes, ben là, il faut penser à ça. OK. Donc l'été aussi, donc j'imagine que ça sera ouvert 12 mois par année, là, le complexe Aquagym, là. C'est pas comme l'aréna, là. Donc ça pourrait voir le jour cet été, là. Ben c'est ça, là. On va voir aussi comment que ça va aller, l'utilisation qu'il va avoir. C'est sûr que là, il y a la section là, plus de récréative, entre autres, avec les jeux d'eau qui est là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'utilisateurs, on le sait. Parce que présentement, c'était pas ouvert 12 mois, si on parle d'anciennes piscines. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les installations qu'on a là, Matidoute et ainsi de suite, là, ben c'est sûr que là, ça va changer. Okay. Pascal, dernière question, je veux te parler des Jeux du Québec. C'est sûr que tout est pas mal gelé, mais quand même, c'est en octobre, vous avez lancé ça, l'idée. Là, c'est rendu en janvier. Vous avez dit après fête, on va savoir ce que ça va. Est-ce qu'il y a eu du travail de fait depuis ce temps-là? Oui, ben on a des rencontres. On a eu quelques rencontres. Avec eux, l'organisation, on a aussi rencontré bon nous la ville, on a rencontré d'autres villes qui ont fait les Jeux du Québec. Donc là, on ramasse l'information là, pour voir ça implique quoi pour la ville financièrement. Donc c'est là-dessus qu'on est en train d'évaluer. OK. C'est Sport Québec que vous avez rencontré, entre autres? Oui, c'est ça. On a eu une ou deux rencontres avec eux. Okay. Puis là-dessus, ben, on a vu qu'il y a des villes là, qui se sont retirées tout simplement. Là. Ben ouais, on a qu'à penser à Drummondville, puis qu'eux se sont retirés. Là. Fait que là, on va voir là, de notre côté les prochaines étapes. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, Pascal, un gros merci, au plaisir de s'en parler. C'est beau. Le maire de Dolbeau-Missassini, Pascal Cloutier.